Le nouveau monde, non loin des halls, dans les arbres. T'es frisqué aujourd'hui, hein? Hein, Buzz? Ouais. Et tu vois quelque chose? Pas encore, mais je le sens arriver. Ouais? Il y en a un qui a pété? Bon, ça va pas être facile. Bah, on a tout ce qu'il faut avec nous. Vous avez tous vos sacs de pierre, les gars. Ouais! On nous pourrit! Votre but est de bombarder les troupes ennemies. C'est bien compris. Visez bien. Si l'un de vous touche Squeak ou même un écureuil... Il va, gars. Tout va bien se passer. Allez, monte sur mon dos. J'espère que tout va bien se passer, Bender. J'espère. Allez, décollage! Proche des halles, en bordure de la clairière. Nous étions là, des milliers, tous en ligne. Et de l'autre côté de la clairière, juste en face de nous... L'armée d'Ratis. Tu pensais, toi, qu'ils étaient si nombreux? Non. Ça me rassure pas trop, là. Ah bon? C'est bizarre, parce que moi, du coup, je me sens confiante. Un bruit tonitruant nous fit lever la tête. Un nuage d'oiseaux fila dans les airs au-dessus de nous. Combien étaient-ils, eux aussi? J'avais beau essayer d'imaginer un nombre, il ne me semblait pas proche de la réalité. Tous les oiseaux d'Éole et de ses environs s'étaient alliés. Leurs ailes battaient les airs et dans leurs serres se dessinaient des sacoches de pierre prêtes à être lâchées sur un Midratis. Oh non! Surgissant d'un nuage sombre en hauteur, un petit groupe de corbeaux piqua vers les moineaux. La bataille commençait dans les airs. Squeak, nous sommes tous prêts. J'ai regardé Berthold et mes pensées allaient vers Booz. Il était là-haut avec Bander. Ils étaient les premiers à risquer leur vie dans une bataille dont personne encore ne pouvait deviner l'issue. Le gros de la troupe file vers la clairière. Nous, on s'occupe des corbeaux. T'es sûr de toi? J'ai l'air. Mais comment tu t'accroches à mon cou? Pas trop. Relâche-moi, relâche-moi. Oh, tu pardon. Attention à toi. Il est passé pas loin celui-là. On continue. Allez, fonce sur celui-là. Boost, tiens juste à dire qu'il y a comme un léger problème d'échelle. Là. Les corbeaux paraissent, comment dire... Monstre bien. Fonce dessus, fonce dessus. Ok, ok. Donne-lui un coup de tête dans le torse. Je vais avoir mal à la tête. Allez. Ok, ok, je fonce. Tu l'as descendu, Bender. Oh, Bender, remonte, Bender. Il y a un peu mal, ouais, voilà. Oh non, c'était une diversion. Regarde là-bas, au-dessus de la clairière. Notre carbone, le gros de la troupe, ils attaquent les nôtres. On n'a pas de temps à perdre, on fonce. Le moineau s'éclata sur le sol accompagné de trois pierres. Au-dessus de la clairière, une danse mortelle avait débuté, cachant presque les nuages gris qui avançaient pour couvrir le soleil. Sur terre, les armées se faisaient face. Je montais sur le dos de Berthold, Mila restant à côté de nous. Fais bien attention là-bas. Hein. Par sûreté, je vérifiais mes gants munis d'épines de rose. Je ferai attention comme s'il s'agissait de ma propre vie. Il s'agit de ta propre vie. Justement, je ferai attention. Nous avons échangé tous les deux un sourire. Allez, bonne chance. Elle me jeta la lance qu'elle tenait dans ses mains. J'ai regardé autour de moi. Les écureuils étaient là, armés de leurs lances. Les fourmis derrière, les lapins en troisième ligne. Tout ce que la forêt comptait comme animaux était présent. J'ai levé la lance. Berthold? Je suis prêt, Squeak. C'est notre unique chance! Et Berthold s'était lancé sur la clairière.